J'écoute chanter tristement la pluie, et je revois lassablement défiler tant d'images, animées activement par la fraîcheur de la nuit, qui fait aussi parfois pleurer les sages. Et c'est ce temps qui me fait penser à toi, toi qui te croyais grand ou qui voulais l'être. Qui te croyais roi, mais le vrai sens de ta vie ne faisait que naître. Un jour la lumière jaillissante s'est éteinte, tout s'est mis à pleurer, tu as pris froid. Recouverte qui te restait, tu es partie sans plainte, affronter ton destin, ton chemin de croix. Et je te revois debout défiant les tempêtes, en ce jour raisonnable que tu faisais fuir. Et bien matin terminé la fête, t'étais plus le roi et tu partais t'enfuir. Heureusement que le temps passe, j'ai fini par oublier. Mais il faut le temps qui aussi prend son temps, qui m'a encore tant permis de trébucher avant de pouvoir renaître comme un enfant. J'écoute chanter tristement la pluie, et je revois lassablement défiler tant d'images, animé activement par la fraîcheur de la nuit, qui fait aussi parfois pleurer les sages.